Yesterday, I tried to explain about jhana. Even though we vipassana practitioners do not aim for the attainment of jhana, we have experienced jhana. I translated what I like. Jhana means fixed mind. Our mind, noting mind, fix onto the object. To fix our mind onto the object, we must take note of again and again. Rising, falling, sitting, touching, every note, if we practice vipassana meditation. Whatever objects appear from the six sense doors must be noted continuously. Our noting should not break. So, jhana means noting, noting every moment. When we note every moment, the mind fixed on the object. So we can say jhana means a noting, very simple noting. Noting is jhana. Without noting, the mind could not fix on the object. When you note in out also, keep your mind on the nostril. Don't let your mind go off. Then take it back to the nostril. Then note in out many times. And this way the mind fixed on the nostril. Hier, j'ai essayé de vous expliquer les jhanas. Même si le méditant vipassana n'a pas pour but d'obtenir les jhanas, il les expérimente spontanément dans sa pratique. J'ai traduit le mot jhana par fixité de l'esprit. L'esprit qui note est fixé sur l'objet. Pour fixer l'esprit sur l'objet, il faut noter sans arrêt. Vous notez les mouvements de soulèvement, d'abaissement de l'abdomen, la posture assise, le toucher. Vous notez tout ce qui apparaît à chaque instant aussi porte sensorielle. Vous notez sans interruption. Pour obtenir les jhanas, il faut noter à chaque instant. Il faut que l'esprit note sans interruption. Si vous notez à chaque instant tout ce qui se manifeste, l'esprit finira par rester fixé sur l'objet. Pour obtenir les jhanas, il faut donc noter. Si vous ne notez pas, vous n'obtiendrez pas les jhanas. C'est la même chose lorsqu'on observe les inspirations et les expirations au niveau des narines. Il faut également noter sans arrêt les inspirations et les expirations. L'esprit va alors progressivement se fixer sur les narines. Comment allons-nous obtenir le premier jhana? Il faudra que l'esprit se libère tout d'abord du désir sensuel. Qu'il est sa kama et utu kama. Il devra également se libérer des nivarana, les empêchements. Le premier, c'est kama chanda nivarana. Viendra ensuite viapada nivarana. Ensuite, tinamida nivarana. Si l'esprit est pris par la somnolence, il est très éloigné du premier jhana. Il est lourd, incapable de voir quoi que ce soit, il n'est pas heureux, la joie ne se manifeste pas. Il faudra également se débarrasser de l'agitation et du remords. Un esprit agité ne note pas, il est éparpillé, il n'est pas concentré. Un esprit qui a du remords ne sera pas non plus capable d'atteindre le jhana. Il faut savoir que lorsque l'esprit est très attentif, il se souvient très facilement du passé. En tant que putujana, qu'être ordinaire, nous avons fait dans le passé des actions positives, mais également des actions négatives. Si on se souvient des actions positives que nous avons faites dans le passé, le remords n'apparaîtra pas. Mais si nous nous souvenons des actions négatives que nous avons faites dans le passé, le remords va apparaître. Dès le moment où il y aura du remords dans l'esprit, il n'y aura pas de joie. Et enfin, il faudra se débarrasser du doute pour pouvoir obtenir ce premier jhana. Donc, pour obtenir le premier jhana, il faut se libérer des empêchements des nivarana. Le yogi va donc atteindre le premier jhana lorsque les cinq qualités de ce premier jhana seront présentes. Vitaka, la pensée appliquée. Vichara, la pensée soutenue. Piti, la joie. Sukha, le bonheur. Et Ekagata, la fixité de l'esprit. Il obtient ce premier jhana en notant sans arrêt l'objet d'attention, les inspirations et les expirations. Lorsque le yogi va atteindre le deuxième jhana, la pensée appliquée, vitaka, ne sera pas très claire. La pensée soutenue, vichara, ne sera pas non plus très claire. Par contre, piti, la joie, va se manifester très clairement. En général, au début, le méditant doit noter très attentivement et sans interruption. S'il y arrive, il va se sentir heureux. Il est heureux parce qu'il remarque qu'il a surmonté les nivarana, les empêchements, et la joie se manifeste en lui. Dans le deuxième jhana, la pensée appliquée, vitaka, ne sera donc pas claire. La pensée soutenue, vichara, ne sera pas non plus très claire. Piti, par contre, sera très claire. Quelle est la différence entre le premier et le deuxième jhana? Dans le premier jhana, l'esprit est libéré du désir, de la pensée négative, et il expérimente la joie. Dans le deuxième jhana, samadhi, la concentration, est devenue très forte. La force de l'attention également est puissante. Le méditant a atteint la continuité de l'attention. Et il n'y a que piti qui se manifeste. Si vous poursuivez votre effort, vous atteindrez le troisième jhana. Vous notez encore toujours, les inspirations et les expirations au niveau des narines. C'est la pratique de samatha. On observe un seul objet. Je me rappelle l'histoire d'une yogi féminine qui pratiquait sous ma guidance. Chaque jour, elle faisait rapport de ses expériences et elle expliquait comment elle avait observé les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Mais je voyais qu'elle n'était pas heureuse. Elle aurait voulu avoir d'autres instructions. Mais moi, je lui dis de continuer à noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen très attentivement. Elle était mécontente car elle aurait bien voulu entendre autre chose que cela. Le jour suivant, elle se présenta à l'entretien et elle me dit « Sayado, j'ai noté attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, j'ai remarqué ceci ou cela. » Et moi, je lui dis « Continuez à noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. » Elle n'était pas heureuse. Si on ne comprend pas l'importance de l'objet primaire, on va probablement s'ennuyer pendant la méditation. Mais si on voit clairement, on s'ennuiera pas. Dans Samatha, si vous voulez obtenir les jhanas, vous devez vous concentrer sur un seul objet. Cet objet, cet unique objet d'attention, c'est le va-et-vient du souffle au niveau des narines. Dès que l'esprit aura réussi à se débarrasser des impuretés, il expérimentera le premier jhana puis le deuxième, le troisième jhana. Dans le troisième jhana, piti sera absent, il n'y aura que sukha, le bonheur. Dans le troisième jhana, l'attention est devenue très forte. Vous pouvez ainsi poursuivre votre effort et arriver au quatrième jhana. Dans ce quatrième jhana, il n'y aura donc plus ni la pensée appliquée, ni la pensée soutenue. Lorsque l'attention devient très forte, l'esprit qui note est puissant. C'est un petit peu comme les sensations dont je vous ai déjà parlé. Je vous ai expliqué qu'il y avait trois types de sensations, les sensations agréables, les sensations désagréables et les sensations neutres. Au début du stage, les sensations désagréables sont très claires. Tout simplement parce que vous n'êtes pas encore habitué à les observer. Votre esprit est très sensible, votre attention est encore faible et vous manquez d'énergie mentale. Les sensations désagréables sont ainsi prédominantes. Mais dès que l'attention se sera développée, vous deviendrez capable de voir le changement au niveau de la sensation désagréable. Vous commencerez tout doucement à voir qu'elles apparaissent et disparaissent constamment, qu'elles ne sont pas solides, qu'elles se transforment. Vous voyez le changement. De cette façon, progressivement, la sensation désagréable va se transformer en sensation agréable. Votre esprit a mûri et vous disposez dorénavant de la force de l'attention. Vous allez poursuivre votre pratique et vous atteindrez bientôt les sensations neutres. Par la pratique de Samatha, il est donc possible d'atteindre le premier jhana, le deuxième, le troisième ou le quatrième jhana. Le bénéfice de la pratique de Samatha, c'est que on reprend naissance dans les plans de Brahma. Mais il est impossible par Samatha de réaliser les caractéristiques des phénomènes, il est impossible de développer les connaissances intuitives, comme par exemple comprendre l'esprit, comprendre la matière, comprendre les causes, comprendre les effets. Dans les plans de Brahma, la durée de vie est extrêmement longue, mais lorsque cette durée de vie sera arrivée à épuisement, ces êtres reprendront naissance, soit dans le plan des devas, soit dans le plan humain, soit dans les plans inférieurs. De cette façon, les brahmas n'ont pas réussi à échapper au samsara, ils n'ont pas réussi à échapper à la souffrance. Alors que par la pratique de Vipassana, il est possible d'échapper au samsara, au cycle des renaissances, par l'illumination. Il est possible de comprendre nama et rupa, de faire la différence entre l'esprit et la matière. Vous notez tout ce qui se manifeste à chaque instant, les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, les contacts sensoriels, que ce soit entendre, voir, sentir, goûter, toucher, penser. Vous notez les différentes phases du pas lors de la marche. Et lorsque votre attention sera devenue très forte, au moment où vous notez, pourvu qu'il n'y ait pas d'impureté dans votre esprit, vous êtes en mesure de faire la différence entre l'esprit et la matière. Vous êtes en mesure de comprendre les causes et les effets, et d'expérimenter de voir les trois caractéristiques des phénomènes. Il faut donc que nous nous entraînions. Si nous nous entraînons, nous pourrons devenir parfaits. Il faut noter tout ce qui se manifeste à chaque instant. Il faut comprendre que pratiquer, ce n'est pas la même chose qu'étudier. Cet yogi dont je vous ai parlé précédemment ne pratiquait pas. Elle étudiait. Elle aurait voulu avoir des enseignements différents. Elle ne comprenait pas que c'était la pratique qu'elle devait faire. La pratique, c'est s'entraîner. S'entraîner dans le but de s'améliorer. C'est comme à l'école. Les enfants doivent s'entraîner. Le yogi également doit s'entraîner. il ne peut pas laisser son esprit libre, car si l'esprit est laissé à l'état naturel, il ne verra rien. Jhana veut dire noter continuellement. Noter continuellement, c'est pratiquer. Si vous notez continuellement, vous comprendrez la vérité. Imaginons par exemple que vous observiez attentivement le mouvement de soulèvement. Vous l'observez sans arrêt, sans discontinuer, et vous sentez le mouvement vers le haut. Lorsque vous observez attentivement et de façon continue le mouvement d'abaissement, vous sentez un mouvement vers le bas. Pourquoi sentez-vous ces mouvements? Parce que vous les observez, vous les regardez attentivement. Observer, regarder attentivement, c'est comprendre, c'est savoir clairement. Lorsqu'on pratique Vipassana, le but c'est de comprendre clairement, à fond, de voir la vérité, de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Les choses telles qu'elles sont vraiment sont appelées en pali Paramata Satcha. C'est la vérité ultime. Il y a deux vérités. La vérité conventionnelle, Samudaya Satcha, et la vérité ultime, Paramata Satcha. La vérité conventionnelle, c'est tout ce à quoi on peut donner un nom, comme par exemple mon abdomen, ma tête, mon visage. Cette vérité conventionnelle est nécessaire pour pouvoir se comprendre dans la vie de tous les jours. La vérité ultime, Paramata Satcha, c'est uniquement Nama et Rupa. L'abdomen, en tant que tel, n'existe pas vraiment. Ce qui existe vraiment, c'est Nama et Rupa. Mais, si on observe la vérité conventionnelle, il ne sera pas possible d'atteindre l'illumination. Il faut pour cela observer la vérité ultime. Nous essayons d'être attentifs à notre corps et à notre esprit, et nous le faisons dans le but de réussir à voir Paramata Satcha, la vérité ultime. Nous observons attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Nous les observons encore et encore. Lorsque l'esprit se sera stabilisé sur l'abdomen, nous expérimenterons un mouvement vers le haut et ensuite un mouvement vers le bas. Mais, tout en expérimentant déjà le mouvement qui est l'élément air, la forme de l'abdomen nous vient encore à l'esprit. Si vous notez attentivement que votre attention s'est développée, que vous disposez de la force de l'attention, vous ne verrez plus cette forme, elle ne vous viendra plus à l'esprit lorsque vous noterez les mouvements de l'abdomen. Vous ne verrez plus que l'air qui bouge. C'est la raison pour laquelle, dans ses instructions, le vénérable Mahasi Sayadaw nous dit que le fait d'étiqueter n'est pas important en soi. Ce qui est important, c'est de comprendre la vérité. Nous devons donc nous efforcer de comprendre la vérité ultime. Mais il n'est pas possible d'éliminer le concept, la vérité conventionnelle, au début. Lorsqu'un débutant dit à l'entretien qu'il ne voit que le mouvement, ce n'est probablement pas vrai. Car au début, ce n'est pas possible de voir la vérité ultime. Il faut donc s'efforcer d'arriver à la continuité de l'attention en notant le plus possible et le plus longtemps possible les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Dès que votre attention sera solidement construite, vous verrez automatiquement. Vous direz alors, « Je ne vois plus la forme de l'abdomen. » Je ressens simplement du mouvement. Au début, le méditant fait un effort pour suivre attentivement le mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen du début à la fin. Il travaille avec confiance, il a de l'énergie mentale. Il voit à la fois le mouvement et la forme. Mais après, quelque temps de pratique, il ne voit plus cette forme. Il pourrait alors penser que sa pratique s'est détériorée, il ne la reconnaît plus. À l'entretien, il semble déçu. Le professeur doit alors l'encourager et lui dire « Poursuivez votre pratique, l'essentiel, c'est de sentir. » Les nouveaux yogis sont encouragés à étiqueter les phénomènes. Cette technique de l'étiquetage est très utile, car l'esprit qui note peut alors pénétrer facilement dans l'objet. Vous penserez peut-être que ce n'est pas naturel de pénétrer ainsi l'objet. C'est vrai que ce n'est pas naturel et ce n'est pas facile d'y arriver. Mais nous sommes des débutants et nous devons commencer par le début. Nous devons donc étiqueter les phénomènes. C'est comme un bébé qui doit apprendre à se mettre debout. Il ne peut y arriver que progressivement avec l'aide de ses parents et d'autres personnes. Le yogi doit également commencer par étiqueter les phénomènes. Après quelque temps, lorsque son attention se sera renforcée, il comprendra que s'il est devenu capable d'être attentif de façon pénétrante aux objets, c'est parce qu'il a pris l'habitude de les étiqueter. Dès que le mouvement de soulèvement apparaît, il est capable de le noter. Dès que le mouvement d'abaissement apparaît, l'esprit peut le noter. Pendant la marche également, l'esprit peut noter dès qu'il y a mouvement. Le méditant est capable de chaque fois noter et d'expérimenter. Il est capable de faire la différence entre nama et rupa, l'esprit et la matière. Si vous êtes capable, au moment où vous observez, de ressentir le mouvement sans voir la forme, vous pouvez vous dire que votre pratique a réellement progressé. Vous avez une très bonne pratique. Votre attention est devenue puissante. Vous êtes devenu capable d'emmener votre attention partout avec vous, au moment où vous pratiquez en posture assise, en marche, et dans toutes les activités que vous serez amené à faire tout au long de la journée. L'attention sera toujours présente. Si vous pouvez emmener votre attention avec vous pendant toute la journée, la compréhension va automatiquement se manifester. Attention et compréhension ou sagesse vont de pair. S'il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de sagesse. Il n'y a pas de jnana. La compréhension vient de l'attention. Donc, lorsque votre attention sera devenue forte et que la compréhension se sera manifestée, vous disposerez d'une énergie mentale et d'une énergie physique développée. Vous n'arrêterez pas votre pratique. Votre compréhension également va mûrir, ce qui veut dire que les connaissances intuitives vont se développer de plus en plus jusqu'au jour où vous atteindrez l'illumination, à commencer par le premier stade d'illumination, appelé Sotapatti Magga Jnana, la connaissance de celui qui est entré dans le courant. Vous aurez alors mis fin au cycle incessant des renaissances, le samsara. Tant que l'on se trouve encore prisonnier du samsara, nous serons condamnés à reprendre naissance dans des plans différents, parfois dans le plan humain, comme c'est notre cas actuellement, parfois dans le plan des devas, parfois, si nous avons pratiqué les jhanas, dans le plan de Brahma, mais le plus souvent dans les plans inférieurs, étant donné que nous sommes des putujanas. Dès que nous aurons atteint le premier stade d'illumination, nous nous serons donc libérés de ces renaissances incessantes. Nous ne pourrons plus reprendre naissance que 7 fois au maximum et toujours dans les sugatis, c'est-à-dire les plans agréables. Mais ceci n'est pas garanti si on pratique les jhanas uniquement. Par contre, si on pratique dans le but d'atteindre l'illumination, c'est garanti. Ce sont donc 2 pratiques différentes. That's enough for today. May you be well and happy and peaceful. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly. Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.